3 FPP, merci de nous écouter. C'est la Jungle des Luttes, le programme proposé par le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc, peuple du Chiapas en lutte, c'est-à-dire au Mexique et les apatistes au départ. Et à partir de là, évidemment, toutes les luttes en bas et à gauche. L'objectif du comité, c'est de créer des liens entre les luttes, créer des ponts, que les luttes se rencontrent et que nous, on apprenne et qu'on puisse échanger, partager, avancer, apprendre et finalement peut-être progresser dans la construction d'un autre monde, plus d'autonomie, d'autogestion. Donc on a souvent parlé des luttes au Mexique, pas seulement aussi sur le continent américain, mais aussi parfois avec des copains qui vivent sur d'autres continents, comme en Afrique ou autre part en Europe, et en France, et notamment souvent Notre-Dame-des-Landes. Donc j'espère qu'un copain pourra nous parler un petit peu de... Bon, le mois dernier, il est venu... Il y a un copain qui nous a appelé pour nous raconter un petit peu où on en était. On est toujours dans l'attente, toujours dans l'expectative. Par contre, il y a des activités sur Paris la semaine prochaine. Donc, ce serait bien qu'ils puissent nous en parler, nous dire un petit peu quelle est l'ambiance. Je crois qu'ils sont dans l'attente de toute façon et ils ne peuvent pas trop se prononcer pour le moment. Mais enfin, en tous les cas, ils continuent toujours à construire depuis des années maintenant un bel espace de vie, de rencontre, de partage avec un apprentissage. Donc, ils nous en ont parlé souvent et on a aussi également très souvent parlé des apatistes, de leur capacité à pouvoir justement organiser, créer autre chose, cette volonté de créer des nouveaux espaces, de nouvelles relations entre les uns les autres, avec le pouvoir, une façon de faire une autre façon de faire de la politique, c'est-à-dire sans regarder le pouvoir, sans chercher justement donc à conquérir le pouvoir et à diriger par le haut, mais à construire depuis le bas. Donc là, les apatistes, pour le coup, on a souvent parlé d'eux parce qu'ils ont quand même une très grande expérience. Et donc, dernièrement, il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été organisées depuis le soulèvement du 1er janvier 1994. Pour ceux qui connaissent, donc qui s'en souviennent, ça fait donc 24 ans maintenant que les apatistes se sont soulevés et essayent de créer des nouveaux espaces et d'inventer régulièrement. Ils ont inventé des rencontres et des festivals. Et donc là, on en avait récemment parlé. Il y avait eu le Comparte, partage des arts. Et à travers ça, la possibilité aussi de lutter, de créer d'autres espaces, d'autres relations à soi, une autre connaissance aussi de nous, de notre rapport à la nature. Et un festival Conciencia, donc toujours avec ces jeux de mots Comparte, qui veut dire aussi partage. Le mot art étant pris dans ce mot. Et Conciencia, donc vous entendez conscience. Et c'est aussi avec la science, c'est-à-dire qu'on peut aussi lutter à partir de la science, des connaissances scientifiques. Donc il y a eu deux festivals Conciencia, si on peut dire, festivals Conciencia, qui ont été organisés en décembre dernier et le décembre de l'année antérieure. Et on n'avait pas vraiment pu en parler en détail parce que personne de nous n'avait été présent, personne n'avait pu venir nous en parler. Et là, on a un copain qui a eu la chance d'y aller les deux fois et d'être donc malheureusement pas avec nous physiquement, avec nous dans le studio, mais au téléphone. Donc, on va faire juste une micro-petite pause musicale et il est avec nous, je crois. Il va patienter quelques instants. On se met juste un petit morceau de musique et donc préparez-vous à écouter Geronimo qui vient de Montpellier, qui est biologiste et qui a tout un tas de choses à nous raconter sur son expérience au Mexique dans le monde zapatiste. Une petite pause musicale. Marichu y color de la tierra, y capitalista del corazón. Marichu y color de la tierra, y capitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No duden que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. la memoria. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. Democracia, libertad y justicia es el encanto de la humanidad. No trabajas sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. Anticapitalista del corazón, marichuy color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. No trabajas sin la voz del pueblo por las ofensas en la memoria. No dude que tarde o temprano la mujer indígena va a gobernar. C'était pour se mettre dans l'ambiance, Geronimo, pour bien que tu t'inspires de cette musique et pour qu'on soit ensemble au Chiapas. Salut Geronimo. Salut. Alors, bah, merci d'être avec nous. Et puis, si tu peux nous raconter un petit peu tout ton parcours, tu as vu, tu as peut-être entendu, j'ai pas dit grand-chose sur toi, ni ce que tu avais fait, ni quels étaient tes intérêts, ni tout ce que tu as pu apporter là-bas et en apprendre. Donc, on va te laisser la parole. Peut-être que tu peux déjà te présenter, nous raconter qui t'es et dans quel but et quel intérêt tu as eu à aller rencontrer les apatistes. Et puis tout spécifiquement, après, on parlera peut-être plus en détail après de ce qui s'est passé à ce festival Conciencia. Les deux, tant qu'à faire, puisqu'il y a eu deux expériences. En fait, ça s'est passé... Ça fait 23 ans que je les suis, parce que dès 94, j'étais déjà derrière mon microscope en faisant mes études et à écouter la radio et à entendre le soulèvement des apatistes. Et déjà, ça m'a passionné. Tout ce qu'ils ont essayé du point de vue de... déjà, leurs revendications sur la prise d'autonomie, sur la lutte, justement, de... pour lutter pour le bien commun que représentait l'exploitation de la terre, puisque en fait au Mexique il y a quelque chose d'un peu particulier que peut-être on aimerait bien importer en France, notamment à Notre-Dame-des-Landes, pourquoi pas, avec le concept des rideaux, qui est en fait que la terre n'appartient à personne d'autre que à ceux qui la travaillent, et quand bien même elle n'appartient pas, elle est en usage collectif. Ouais. Voilà, et donc ça, c'est en 92, en fait, il y a eu un changement de la constitution au Mexique, et donc ils ont pour abolir ce concept des rideaux, et qui est pourtant un usage très très important pour les indigènes mexicains, et c'est entre autres ce qui a préparé l'ALENA, donc les accords nord-atlantiques, et ce qui a préparé aussi la décision des apatistes pour déclarer leur rébellion. Et moi, dès le départ, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Je pense qu'on a été très nombreux. Et sauf que ce qui était assez drôle, c'est que moi, depuis 94, j'ai pas trouvé le moyen de me dire ouais, ça vaut le coup. J'ai envie d'y aller. Moi, les rencontres intergalactiques, etc. Je trouvais ça très drôle. J'avais tous mes copains qui allaient, mais moi, je voyais pas ce que j'allais y faire. Et donc, c'est vrai que pendant 20 ans, j'ai un peu été schizophrène en d'un côté faisant d'une recherche très académique, en utilisant tous les outils les plus étonnants, comme fabriquer tous les jours des OGM dans mon laboratoire. Et le soir, quand j'allais en réunion politique, évidemment, j'organisais des fauchages de champs d'OGM, etc. Donc, c'était un peu difficile pendant 20 ans à jongler entre ces deux mondes. Et puis en 2014, j'ai décidé que j'allais essayer de mettre un peu d'harmonie là-dedans. Et donc je suis passé dans l'idée justement de travailler sur une science qui pourrait permettre en fait une prise d'autonomie, parce que j'ai toujours essayé de travailler politiquement sur des idées de d'émancipation, d'autonomie, de voilà, arrêter de centraliser toute l'information, justement essayer de décentraliser pour démocratiser le plus possible, même si le mot démocratiser pourrait être discuté, mais enfin voilà, l'idée que le c'est pouvoir accessible à tous soit si possible le plus faible possible. Et donc j'ai changé de sujet, je suis parti sur une très vieille technique qui est utilisée depuis 100 ans dans les pays de l'Est, qui s'appelle la thérapie phagique. Et en fait, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que je voyais bien que c'était une technique très simple et qu'on pouvait très bien envisager de pouvoir développer dans des zones sans moyens économiques très forts. Donc j'ai commencé à travailler là-dedans avec cette... Dis-nous ce que c'est ce lindan, cette thérapie, alors, pour ceux qui connaissent rien. En fait, l'idée, c'est quand tu as une infection bactérienne, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est que tu prends des antibiotiques pour tuer tes bactéries. Sauf que les antibiotiques, d'abord, c'est des molécules qui sont brevetées, qui sont très difficiles à fabriquer pour qu'elles fonctionnent bien. Et puis, c'est des produits chimiques, donc ça veut dire que tu l'utilises pas n'importe comment. Tu es obligé de faire des grosses études pour regarder la toxicité, etc. etc. Les bactériophages, en fait, c'est des ennemis naturels des bactéries. Qui, du coup, comme c'est des ennemis naturels, tu peux très bien les utiliser comme des antibiotiques. Sauf qu'ils présentent le gros avantage, c'est qu'ils n'attaquent pas les cellules humaines, ils n'attaquent que les bactéries. Et donc, du coup, il n'y a pas de toxicité. Tu vois, ce n'est pas des molécules chimiques. Uh-huh. Et comme c'est des prédateurs, si tu veux, d'une certaine manière, bactériophages, tu vois, c'est étymologiquement, ils bouffent les bactéries. Et donc, ça veut dire que quand tu leur donnes des bactéries, ils se reproduisent. Et voilà, c'est un peu... Alors, il suffit d'avoir un bactériophage ciblant une bactérie particulière, je ne sais pas, moi, staphylocoque, qui attaque, qui fait des problèmes assez sérieux, notamment... Depuis une dizaine d'années maintenant, en Occident, on a de plus en plus peur de ce genre de bactéries parce qu'elles deviennent résistantes à tous les antibiotiques. Du coup, on est très emmerdé. C'est pour ça que depuis 10 ans, ça recommence dans les pays occidentaux à devenir pas tout à fait farfelu, alors qu'avant, ça l'était complètement, ce qui avait un peu aussi décidé le fait que je ne puisse pas trop travailler là-dessus parce que tu ne peux pas être recruté sur un truc... qui semble farfelu à tout le monde, malheureusement d'ailleurs. Et donc du coup, on peut utiliser les bactériophages comme antibiotiques. Alors le gros avantage en plus, c'est qu'ils sont très spécifiques. Et donc du coup, quand tu prends un bactériophage, tu tues de manière spécifique telle ou telle bactérie et pas du tout toute la flore commensale. Donc la flore commensale, ça veut dire toutes les bactéries qui sont bénéfiques pour toi, qui te permettent de digérer, qui te permettent de synthétiser plein de trucs vachement bonnes dans ton ventre. Il faut savoir qu'on a à peu près 1 kilo de bactéries dans notre ventre, tu vois. Donc ça veut dire que 1 kilo de bactéries avec des milliards de bactéries avec des milliers d'espèces différentes. Et là-dedans, évidemment, on a 5 fois plus de phages, de bactériophages qui sont dans notre ventre. Donc, les bactériophages, on est entouré de bactériophages. Il y en a partout, dans l'eau, dans n'importe quoi, dans notre ventre, dans la bouche, il y en a plein. Il y a, tu vois, sur la peau, partout où il y a des bactéries, il y a des bactériophages. Donc, c'est quelque chose qui est assez peu étudié. Qui me fascine et qui en plus qui peut présenter cette idée de plusieurs avantages, une médecine qui pourrait permettre une médecine autonome. Et en fait, l'an dernier et cette année, je suis allé voir les apatistes pour leur dire les gars, c'est sûr dans les textes de Marcos puis de Galeano, enfin surtout de Marcos, il parle de choléra, il parle de salmonelle, de diarrhée, etc. Il y aurait possibilité de mettre en place une médecine autonome en utilisant les bactériophages. Donc l'an dernier, j'en ai présenté... donc voilà, tu vois, j'ai changé de sujet oui, en ça. 2014. Mmh. Et puis, les choses étaient bien faites parce qu'en 2016, début 2016, printemps 2016, il y a Galeano qui raconte que Marcos, je sais pas si tu te rappelles de cette histoire, mais... Oui, l'histoire du perro. L'annonce de Comparte et de Conciencia, en fait, ça vient d'une histoire où Marcos raconte que Tacho lui... que Marcos demande à Tacho, mais comment tu sais qu'il faut fabriquer cette maison comme ça? Et puis... Tacho lui répond, j'en sais rien, moi, c'est mon père qui m'a appris. Et puis, Marcos qui dit, ouais, mais moi, si jamais je m'assois à tel endroit de la poutre, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, Tacho, il dit, je sais pas, moi, a priori, ça va casser, mais enfin, j'en sais rien. Et donc, Marcos monte sur la poutre, et évidemment, tout s'écroule, et il casse sa pipe, etc. Et à la fin, il dit, mais en fait, comment on peut envisager, en fait, de faire un autre monde? Si on ne s'appuie que sur les traditions, on va faire que des conneries, quoi. Et donc du coup, à la fois pour imaginer un nouveau monde, on a besoin d'artistes. Et puis pour imaginer un monde qui se casse pas la gueule, on a quand même besoin des scientifiques. Et donc c'est comme ça qu'il a annoncé en fait les deux festivals Comparte et Conciencia. Donc ça, c'était en 2015, et ça y est, moi, j'avais... C'était le bon moment, ça tombait à pic. Je savais ce que j'allais aller y faire, tu vois. T'avais quelque chose à proposer, précisément, voilà. Du coup. Donc du coup, l'an dernier, j'y suis allé, moi, c'était la première fois que j'y allais, en plus, j'ai jamais appris espagnol, donc je me suis dépêché d'apprendre l'espagnol, j'ai débarqué... Alors, au départ, je suis allé discuter avec les juntas, des Buen Gobierno, de Oventic et de Morelia. Et en fait, les juntas... Puisqu'on va rappeler pour les personnes qui, au cas où, prendraient en route et ne connaissent pas les zapatistes, il y a 5 zones zapatistes avec 5 zones autonomes, avec les gouvernements propres aux communautés. Donc 5 zones, dont 2 qui s'appellent Caracol de Morelia et l'autre Caracol d'Oventic. Ouais, voilà. Et donc... Du coup, tu rencontres le conseil de bon gouvernement, qui est un conseil, c'est une organisation très très particulière, hein, puisque c'est des conseils qui sont tournants. Donc les zapatistes s'engagent à remplir des tâches, et en l'occurrence, une des tâches, c'est de participer au conseil de bon gouvernement. Alors ils disent bon gouvernement en référence au mauvais gouvernement étatique. Et donc, eux, ils s'engagent à participer au Conseil pendant 3 ans et ils viennent du fin fond de leur communauté. Ils viennent dans le district où ils vont pouvoir prendre les décisions qui conviennent pour notamment les 3 grands... domaines qui sont l'éducation, la santé et puis la justice. Mais ils organisent aussi plein d'autres trucs. La production, c'est un autre point important. J'ai été rencontrer la Junta et puis je connaissais assez peu, je ne savais pas qui est-ce que j'allais rencontrer. C'était très intéressant. En fait, je raconte toute mon histoire sur les bactériophages et tout, sur la possibilité de les utiliser pour se soigner. Et puis, je vois devant moi des yeux assez étonnés en me disant, mais de quoi ils parlent? Et puis, évidemment, comme les bons zapatistes qui sont, ils me disent, très bien, ok, c'est bien, j'ai fait mon exposé. Ils me disent, mais c'est quoi ta question? Et je leur dis, ma question, ça me paraissait évident, mais c'est quoi ta question? Ma question, c'est quelles sont les maladies bactériennes qui vous affectent? Et ils me regardent et ils me disent, mais nous, on n'a pas de maladies bactériennes. Alors là, j'étais un peu emmerdé, je suis reparti un peu dépité. Et il y a eu Conciencia qui s'est passé l'an dernier. Donc l'an dernier, ça a duré 10 jours. Il y a eu une centaine de scientifiques qui sont venus. Alors avant de se lancer dans, dans le Constantia, Festival Constantia, on fera une petite pause musicale, mais je tiens quand même à raconter que justement, précisément sous les conseils de nous, comité de Chiapas par exemple, on a pu te dire, bah oui, le seul moyen d'avoir accès aux apatistes, c'est d'aller dans les communautés et donc de rencontrer les autorités, donc notamment les juntas de Buen Gobierno, parce que c'est vrai que c'est a priori le seul chemin. Puisque du coup, il faut avoir, pour avoir accès aux apatistes autrement, c'est-à-dire avec des autorités qui pourraient du coup discuter au sommet de grandes décisions qui seraient du coup, en général, qui sont des décisions beaucoup plus politiques, comme les festivals, Conciencia, etc., où là, il y a le comité clandestin révolutionnaire indigène qui sont des commandants des cinq zones qui forment ce comité clandestin, où là, c'est les autorités qui sont souvent là quand il y a des organisations politiques. Et du coup, effectivement, tu te retrouves dans ce face-à-face, face à des paysans indigènes et qui pourtant sont au fait de tout ce qui est en avancée sur quand même la question de la santé, l'alimentation, comme on le disait, toutes les décisions qu'ils prennent, c'est quand même eux qui les prennent. Ouais. Mais avec ce décalage où effectivement, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par là, mais on peut tomber effectivement dans un gros vide, comme ça a pu t'arriver d'être en face de... Non, j'ai trouvé ça très bien. Hein, c'est... Ben, oui, non, mais justement, c'était pour raconter dans le sens où finalement, il n'y a pas d'autre moyen que celui-là. C'est celui, par exemple, qu'on conseille aux gens parce qu'on est tous passés par là. Et puis justement, précisément, super bienvenue pour toi, justement, ce festival pour pouvoir présenter ça. On fait une petite pause musicale et puis on parle du festival en tant que tel. À tout de suite. À tout de suite. Musique. Nosotros los zapatistas, originarios del pueblo de América y del mundo, la tierra es nuestra madre, casa de nuestra cultura, damos la vida por ella. La tierra para nosotros, la tierra. Mercancía como los seres humanos y los saludos que damos, también las que recibimos. La tierra no nos pertenece, pertenecemos en ella. Somos guerreros de sangre, guardianes de madre tierra, protegerla y cuidarla. La jungle des luttes, programme proposé par le CSPCL tous les troisièmes lundis du mois. On est au téléphone avec Geronimo qui est biologiste dans la région de Montpellier et qui est allé donc très récemment au festival Conciencia et qui donc nous raconte son expérience là-bas avec, enfin, à ce festival, et le premier donc, qui avait eu lieu en décembre 2016. Tu es toujours avec nous, Jérôme ? Oui, je suis toujours là. Alors, raconte-nous un peu ce festival, ce que c'était, puisqu'on n'en a pas du tout parlé, on n'a pas raconté qui y avait, comment, quoi, ce qu'il y a eu. Et puisque toi, tu as... Donc, l'an dernier, il y a eu... l'annonce a été faite au printemps et puis ensuite au printemps 2016 et pour rappeler tous les scientifiques du monde à venir. En fait, c'était difficile parce que l'annonce avait été faite justement par l'histoire que je racontais tout à l'heure, c'est-à-dire juste Marcos qui racontait comment il fallait envisager, rêver d'un monde de demain, quoi. Et point. Et donc du coup... il y a un certain nombre de gens qui ont envoyé des propositions et il y a un comité qui a sélectionné sans avoir vraiment il n'y avait pas de voilà il y avait ça et c'était un pas une commission scientifique. Si, alors elle est composée maintenant je commence à savoir un donc, peu. Il y a des biologistes, des mathématiciens, des physiciens dans cette commission. C'est une équipe d'appui de la commission Sexta qui la commission Sexta étant une commission purement zapatiste, si on peut dire. Ouais. Et eux, en fait, c'est beaucoup des gens qui sont à Mexico City. Et donc ils ont choisi. Peut-être qu'ils ont pris à peu près tout le monde. Je sais pas parce que. Et donc il y avait une centaine de personnes. C'était assez impressionnant de scientifiques. Donc l'an dernier ça s'est passé. Donc les conférences se passent au CIDECI. Donc c'est une université UNITIERRA. Donc c'est une université qui n'est pas zapatiste mais qui accueille beaucoup d'événements zapatistes. Dans la banlieue de San Cristobal de Las Casas. Et donc pendant 10 jours, on a vu les conférences étaient de 9h du matin à 9h du soir. Donc c'était environ 10 conférences par jour avec 4 le matin, 4 le soir et puis au milieu 3 sessions parallèles. Donc une personne qui racontait pendant une heure et demie ce qu'il faisait de manière très pratique. Donc ça c'était l'an dernier. Alors l'an dernier, comme cette année, ça s'est fait sur 5 jours, entre le 27 jusqu'au 30, donc 4 jours, du 27 au 30 décembre. C'était à peu près le même format, sauf qu'il n'y avait pas de vulgarisation l'après-midi. Et il y avait plus de sessions, il y avait 6 présentations le matin, au moins, 6 ou 9 peut-être même, et puis 6 le soir. Donc c'était assez dense, c'était très dense, et tout est en espagnol, super intéressant dans tous les sens. Il y a de l'astrophysique, de l'agroécologie, de l'évolution. Il y a un copain de Montpellier qui on s'est retrouvé par hasard là-bas, c'était très drôle, qui a parlé d'évolution. Alors la grosse difficulté, c'est que il y avait des médecins cette année, alors que l'an dernier il n'y en avait pas. Il y avait 2 médecins. La grosse difficulté, c'est que en fait les scientifiques soit viennent faire un cours, soit viennent faire une critique soit de leur champ disciplinaire, soit de la science en général. Donc, c'est assez drôle de. En fait, j'ai l'impression que ça se. Tu vois, quand tu poses la question, mais pourquoi ils ont appelé à ça ? En fait, c'est une université populaire. Ça s'est transformé en une université populaire. C'est-à-dire que les scientifiques viennent donner des cours. Sur, tu vois, cette année, on a eu de la biologie cellulaire, de la sélection variétale. Alors ça, c'était très intéressant. Il y a une docteure, elle s'appelle docteur Christine Mercer, qui, je crois, elle travaille à Mexico, qui a parlé en fait du changement climatique et comment on allait faire pour adapter en fait les variétés de maïs au changement climatique. Et ça, c'était vraiment passionnant parce que il y avait vraiment des une emprise pratique voilà il y avait des propositions avec en même temps la difficulté de théorique, donc c'était très intéressant. Après il y a eu Moi, il y a eu plein de choses qui partaient qui, de la science fondamentale, tu vois, mais moi, ça m'a. Il y a un truc qui me dérange quand même, c'est ce savoir qui est déconnecté de la réalité. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé, en fait, mon intervention, ça a été justement de proposer une médecine autonome avec cette idée. Et donc, du coup, c'était à la fois très concret ce que j'ai proposé et en même temps, ça reposait sur un certain nombre de réflexions que de recherches, oui. Et donc, du coup, moi, j'ai décomposé ma présentation en trois parties. D'une part, en disant, la première chose, c'est d'essayer de ne pas être malade, parce que quand on est malade, on ne peut pas lutter. Donc, ça serait pas mal qu'on ne soit pas malade. Donc, pour ça... Prévention, tu veux dire ouais, la prévention. Et notamment, j'ai raconté une histoire qui est assez récente dans les pays occidentaux. En fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de donner des exemples de moyens d'agir avec des moyens, avec un savoir scientifique, des moyens d'agir avec des savoirs qui sont ouverts, qui sont open source, tu vois, c'est-à-dire qu'on puisse nous-mêmes réaliser de manière coopérative au sein de collectivités avec une idée de... justement de partage des savoirs et de création tout en répondant à des problématiques qui sont les nôtres, tu vois. C'est vraiment cette idée de ne pas se laisser gouverner par le capital, quoi. C'est le capital aujourd'hui qui nous gouverne, qui gouverne nos comportements, etc. Et donc, du coup, d'une part, cette idée de la prévention, et là, j'ai raconté une petite histoire. Je ne sais pas si j'ai le temps de la raconter. Parce que si, c'est bon, t'as le temps. On en profite pour une fois qu'on t'a, qu'on parle en détail et tout, qu'on en profite. En fait, j'ai découvert une étude, enfin des études d'un médecin qui maintenant, ça va te paraître évident, mais en même temps c'est très récent puisque ça date, c'est des études qui datent des années 90 et il a mis en place tout ce qu'il a mis en place dans les années 2000, donc tu vois ça a même pas 20 ans. En fait, ce qu'il travaillait dans les années 90, c'est d'essayer de comprendre d'où venaient les maladies nosocomiales. Donc, les maladies nosocomiales, c'est tu rentres à l'hôpital parce que tu veux aller te faire, ausculter pour quoi que ce soit. Et puis, en fait, tu ressors et t'as chopé une maladie avec généralement des bactéries qui sont super résistantes à tous les antibiotiques, etc. Et donc, lui, il essayait de comprendre d'où venaient les maladies nosocomiales. Et je me souviens, moi, dans les années 2000, on disait non, mais ça vient de l'eau, ça vient du fait que les gens, il y a beaucoup de trafic, tu vois, c'est un peu comme dans le métro, dans les hôpitaux, mais alors en plus, tous les gens sont malades. Mais en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a observé. Donc, il a essayé de comprendre d'où venaient les maladies nosocomiales. Et en fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que c'est les médecins qui transmettent les bactéries. Et tout le personnel médical. Alors quand il a révélé ça, ça a été tollé général. Personne n'a voulu le croire, évidemment, en disant mais c'est n'importe quoi. Nous, on fait ce qu'on peut. Et lui, il a dit non, mais attendez. C'est pas parce qu'il y a un manquement, ouais. C'est pas forcément un manquement. Ouais. Et en fait, il dit non, mais aujourd'hui on vous demande de vous laver les mains entre chaque patient, mais pour vous laver les mains avec du savon, vous devez passer 1 à 3 minutes. Pour t'as pas le temps, ouais. Nombre de trucs, vous avez pas le temps, donc je veux dire, on comprend très bien que vous le fassiez pas. Et en plus, le savon attaque la peau, donc vous le faites pas parce que ça, au bout de 15 jours, vous auriez plus de main. Donc, du coup, il est allé voir un copain à lui qui était pharmacien et ils ont travaillé à une solution hydroalcoolique qui permet de tuer en 15 secondes à peu près toutes les bactéries qui se sont déposées sur la surface de ta peau. Et donc, du coup, effectivement, depuis 15 ans maintenant, tu vas à l'hôpital, tu vois, il y a des petites bouteilles de partout. Mmh. Et en fait, c'est du gel hydroalcoolique. Et effectivement, on peut en acheter dans toutes les pharmacies. Maintenant, on te recommande d'en acheter, machin. Et en fait, ce que j'ai trouvé particulièrement très étonnant et très intéressant pour toutes les communautés, c'est-à-dire que... Voilà, toutes les communautés, c'est que, en fait, ce médecin, il a rendu public la formule. Il a dit, non, mais attendez, moi, je veux pas la privatiser, je m'en fous, je veux pas mettre un brevet dessus. Ça me paraît de l'hygiène de base, et donc du coup, je rends public. Donc du coup, il a donné cette formule à l'OMS qui maintenant, en fait, fait des campagnes dans le monde entier pour essayer de faire en sorte que tout le monde utilise ça, parce qu'en fait, les maladies nosocomiales, ça tue des milliers de personnes par an, quoi. Et donc, bah avec la grippe H1N1, là, je crois que ça avait été pas mal développé, justement, ces trucs-là, non ? Exactement. Mais c'est tout à fait concomitant. Alors, H1N1, c'était 2009, si je me souviens bien. Mais tu vois, lui, il avait commencé... Déjà un peu, il y avait eu de l'avance de prise. Ouais. Et en fait, tu trouves en ligne, tu trouves sur le site de l'OMS, tu trouves comment faire cette formule qui est toute bête. Hein, c'est 70% d'éthanol, un peu de peroxyde, enfin d'eau oxygénée, et puis du glycérol et de l'eau. Donc c'est vraiment tout simple et ça tue très rapidement, beaucoup plus rapidement. Alors après ça, en plus, il s'est amusé à tester cette formule-là versus les formules commerciales, enfin bon, etc. Donc c'est un mec, tu trouves assez facile, c'est Dr Pittet, P-I-T-E-T. Et les solutions, c'est solutions hydroalcooliques. Là, j'ai mis la formule sur Wikipédia, donc parce que c'est marrant parce qu'elle n'y était pas. Alors que tu la trouves par ailleurs un peu difficilement sur le site de l'OMS. Mmh. En fait, oui, puis les gens veulent peut-être pensent que ça va pas être accessible, donc ils cherchent pas sur Wikipédia. Donc du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser cet exemple en disant bon, écoutez, moi, je dis pas qu'il faut faire des, il faut absolument avoir des solutions hydroalcooliques. Peut-être que vous avez des choses dans les hôpitaux zapatistes, mais bon, en tout cas, voilà, ça, c'est un exemple, une idée de comment envisager une médecine autonome, c'est-à-dire comment faire nous-mêmes nos outils, quoi. Et du coup, bon, la deuxième partie, c'était en fait utiliser tous les outils qui sont actuellement développés par les laboratoires populaires qu'on appelle biohacking, qu'on appelle do it yourself ou garage biology. Alors il y a de tout et il y a de tout et dans ce genre de laboratoire, mais il y a notamment des laboratoires qui, par exemple, fabriquent des kits pour les détections de maladies sexuellement transmissibles. Notamment, c'est un groupe Ginepunk qui a développé ça, justement pour que les femmes, les travailleuses du sexe ou les travailleurs du sexe puissent justement se diagnostiquer sans avoir, tu vois, ils peuvent le faire tous les jours, sans avoir à chaque fois à aller voir un toubib, se faire la morale, etc., etc. C'est des outils qui sont actuellement développés. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a un festival qui s'appelle Open Source Body, à Paris, qui justement montre un peu tout. C'est un sort de festival où les gens du do it yourself montrent un certain nombre de techniques qu'ils ont développées justement pour faire des PCR, pour faire des... Donc je sais pas, par exemple, il y a des gens qui ont développé des PCR dans des labos populaires comme ça pour essayer de détecter des OGM, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est ça qui est important, c'est d'essayer de se saisir aussi de ces outils-là pour nous... en faire quelque chose, bien sûr. Voilà, dans notre émancipation collective, quoi. Et puis ma troisième partie, c'était utiliser, en fait, l'idée d'utiliser les bactériophages pour traiter les maladies bactériennes. Donc je leur ai proposé de faire, en fait, des ateliers dans les cliniques ou avec les promoteurs de santé. Pour essayer justement de petit à petit amener les bactériophages dans les communautés. A priori, ça semble être les avoir intéressés, donc je vais y retourner bientôt pour mettre en place ça. Donc d'ailleurs, je fais un appel, s'il y a des gens qui sont intéressés, on a besoin de gens qui s'intéressent justement à la fois à la santé et aussi à l'idée de construire une médecine autonome et rebelle. Donc voilà. Et voilà. Donc ça c'était ma présentation. La différence qu'il y a eu entre l'an dernier et cette année, c'est que les scientifiques eux-mêmes, il y avait beaucoup plus de jeunes. En tout cas, les jeunes qui sont venus cette année, ce sont je dis les jeunes parce que c'était principalement des jeunes, tu vois, qui assistaient, hein, parce que donc dans l'assemblée cette année comme l'an dernier, il y avait 100 femmes zapatistes, 100 hommes zapatistes avec cagoulés, à qui nous qui faisions nos cours, qui en représentation, c'était à eux qu'on s'adressait. Et puis, évidemment, l'amphithéâtre était ouvert à la communauté internationale, et donc il y avait du public, disons. Sans autres gringos, güeros, comme on dit, qui étaient là à assister. Et donc, je parle de ces 600 autres. Parmi ces 600 autres, il y a un groupe qui s'est réuni plusieurs fois pour essayer de faire en sorte que ça suive, enfin que ça puisse porter à ses fruits. Et donc, on est en train de monter une liste qui s'appelle Con Scientifique à list.riseup.net. Donc, je te passerai le lien, comme ça tu pourras le mettre sur le blog. Oui. Où les gens, s'ils veulent se joindre donc à ces scientifiques qui veulent une science avec conscience et si possible une science zapatiste, pourront s'inscrire. Et puis par ailleurs, nous on va créer aussi une liste sur tout ce qui est la médecine autonome. Donc ça s'appellera certainement Medicina Autonoma, puis @list.riseup.net. Mais voilà, l'idée, c'est de petit à petit partager ces connaissances, voilà. Et qu'on puisse les avoir en accès. Voilà. Ouais. Et donc, moi, ce qui m'a... Après ma présentation, ce qui m'a juste... Je veux juste dire un petit truc qui me paraît assez intéressant, c'est que après ma présentation, il y a plein de gens... Bon, les zapatistes ont clairement aimé, ils sont venus me voir, ils ont trouvé ça super. Et en même temps, la communauté internationale, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant « Mais tu ne te rends pas compte ?» Moi, par exemple, il y avait une femme, elle me dit « Moi, je suis médecin à San Diego, je travaille avec dans la rue, j'ai accès à rien, évidemment, j'ai pas de laboratoire, j'ai rien, et je travaille avec des drogués, et l'une des choses que je... » Enfin, des gens qui se droguent par injection, et elle dit « Une des choses que je soigne le plus, c'est des abcès, parce qu'en fait, les mecs, ils se piquent et ils nettoient pas, tu vois, ils ont pas d'hygiène, justement, ils ont pas d'hygiène des mains. » Et elle me dit « Mais ton truc, mais c'est génial, nous, on va l'utiliser, quoi. » Et moi, j'avais absolument pas envisagé, moi, j'étais là pour... Tu vois, j'étais omnubilé par les... Les zapatistes. Alors qu'en fait, bah, typiquement, quoi, c'est l'idée de la médecine autonome, c'est-à-dire que c'est l'idée de pouvoir mettre en place une médecine qui puisse être faite n'importe où, dans n'importe quelle condition, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à Bure, etc., etc., quoi, et à San Diego et partout. Donc voilà, donc moi, j'étais assez enthousiasmé par la réponse aussi à la fois zapatiste et internationale, et j'espère qu'on va pouvoir continuer sur cette lancée. Voilà. Ben, merci beaucoup Géronimo d'avoir partagé ton expérience, et puis ben, justement, puisque tu vas sûrement y retourner dans quelques mois, tu auras peut-être l'occasion de nous rappeler, de nous donner un petit peu des nouvelles de toutes des avancées, ouais. Ou pas, ou des nouvelles choses que tu auras vues là-bas, et donc entre-temps il y aura eu la rencontre des femmes, la rencontre internationale politique, artistique, sportive et culturelle des femmes qui luttent. J'aurai l'occasion tout à l'heure de lire justement la petite convocation. Ouais, parce qu'avec les hommes qui font la vaisselle et qui s'occupent des enfants, c'était super. Ouais. Bah oui, là du coup, ils s'y mettent quand même beaucoup, parce qu'il y a eu quand même justement dans toute cette lutte, il y a depuis 23 ans, 24 ans, il y a beaucoup de chemin qui a été fait. Mais donc, la question des femmes, ça reste dans le monde, de toute façon, une lutte à mener. Enfin, la question des femmes, la lutte des femmes est à mener. Et bah voilà, contre le machisme, le patriarcat, etc. etc. Donc là, on en parlera tout à l'heure, je vous lirai la convocation, mesdames, amiga, compañera. On est appelés à aller là-bas et à se rencontrer entre nous. Bon, bah, tu nous raconteras à ton retour toutes tes avancées. Merci beaucoup pour ce partage. Redis-nous quand même le site, là, si les gens sont intéressés éventuellement. Oui, alors il y a le site de Conscientia. Donc, pour voir toutes les interventions de l'an dernier et de cette année, on peut aller sur un site qui s'appelle Conscientia, donc Conscientias, conscientias.org.mx. Ça, c'est pour avoir tous les... pour visionner toutes les vidéos de toutes les présentations. Et puis sinon, il y a eu deux listes qui se sont montées. Une qui s'appelle Conscientific, donc Conscientific, at list.riseup.net. Et puis, il y a Medicina-Autonoma, at list.riseup.net. Voilà, ça c'est les... En tout cas, c'est ce dont je suis moi au courant. Peut-être qu'il y a eu d'autres choses. C'est déjà pas mal. Il y avait tellement de monde que, évidemment, il y a certainement eu plein de choses que j'ai pas pu voir, malheureusement. Bon, bah, merci beaucoup et on se tient au courant. La Lucha Sigue. Merci à toi. Bonne continuation. À bientôt. Pause musicale et on se retrouve avec Nantes justement, voir un peu ce qui se passe par là-bas. Et je vous reparlerai de la convocatoria, je finirai avec ça. Musique. No. 106.3 FPP, la jungle des luttes. On est avec Notre-Dame-des-Landes pour nous donner des petites infos. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de grandes infos, on est dans l'expectative. Mais bon, je te laisse la parole. Merci de nous appeler en tous les cas pour nous tenir au courant. Ouais, bah, comme tu dis, pour le moment, on est un peu suspendu dans les airs. À voir quelle va être la décision qu'ils vont prendre. Donc comme nous, on a vécu beaucoup de revirements de situation et de rumeurs insensées, etc. depuis très longtemps, bah, on a l'habitude d'attendre et de voir ce qui pondent. Et puis en gros, dans les solutions possibles, donc ils abandonnent le projet d'aéroport et ils décident d'expulser quand même la ZAD. Donc eh ben, on sera là parce qu'en fait on s'est battu pour sauver ce territoire et s'y installer et inventer d'autres modes de vie, et du coup on n'a pas envie de lâcher ça, et puis qu'en fait cette lutte elle dépasse largement juste un projet d'aéroport. Enfin voilà, elle englobe plein de choses. Je vais pas te revenir sur tout, on en a déjà pas parlé. Ouais. Mais par contre, je me permets de t'interrompre justement, parce qu'en parlant de construction, de tout ce sur quoi vous avez avancé, juste avant, on avait un copain qui était au festival Conscientia, qui est allé 2 années de suite et qui du coup propose des petites solutions pour avancer dans la médecine autonome, en tous les cas, essayer de pouvoir se soigner soi-même d'un certain nombre de bactéries, etc. Et qui donc pensait pouvoir faire tourner sur Bure ou Notre-Dame-des-Landes ce type de connaissances aussi. Enfin, je dis ça parce qu'on en parlait tout à l'heure avant avec lui. Et donc, du coup, il y a plein de choses encore, évidemment, à partager. Donc, c'est ce qui nous intéresse, hein, qu'on ait des lieux pour partager nos connaissances et nos pratiques. Et apprendre, ouais, c'est ça, du coup, un terrain d'apprentissage. Voilà. Ouais, s'autonomiser aussi, effectivement, d'apprendre à s'occuper de nous-mêmes, quoi. Après, on va pas... on est loin du modèle zapatiste où ils ont je sais plus combien de dizaines de cliniques et même une clinique dentaire grâce au CSPCL. Entre autres, on n'en est pas là. On aimerait bien avoir une clinique dentaire et avoir une clinique, mais ce sera pas pour tout de suite, quoi. Et donc voilà, ça c'est l'hypothèse où ils nous laissent tranquilles et puis on continue à construire un peu notre autonomie autant que possible. Et puis après, s'ils décident de nous expulser, on invite tout le monde à venir s'opposer à ça et puis encercler les flics et puis aussi faire des actions. On appelle les gens à rejoindre les comités de soutien partout où ils sont. Hein. Il y en a eu 200 de créés en 2012. Alors on pourrait facilement recréer un peu partout et faire des actions un peu partout. Alors par contre, c'est vrai que on peut plus casser les permanences du PS parce que le PS n'existe plus. Faut trouver autre chose. C'est un peu frustrant, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses à faire. Enfin, faut se rappeler que Macron c'est quand même un banquier. Alors il y a des pistes. Et puis il y a des activités. On a un gros rassemblement le 10 février sur la zone. On a déjà été jusqu'à 40 000 pour la reconstruction en 2012. Et puis on a refait des grosses manifs depuis. On était 50 000 à Nantes, 30 000 sur le périph', 30 000 sur la 4 voies, 40 000 il y a un an. Enfin voilà, du coup on aime bien que tout le monde de temps en temps fasse l'effort de venir montrer qu'on est prêt, qu'on a un bon réseau et puis qu'on est prêt à soutenir les unes les autres. Donc on vous appelle à débarquer le 10 février. Et puis c'est un week-end. Ça tombe. C'est un samedi, dimanche. Le lendemain, on fera justement une réunion avec les comités de soutien. Et puis sinon, nous on va faire un infotour à Paris, Montreuil. Du coup, ce sera le 23. Le Mouleur, je crois. et le 25 au CICP. Donc au Rémouleur, je crois que c'est déjà complet. Et on va surtout parler du projet d'Ambasada, la construction d'une cabane pour accueillir les autres luttes dans le monde. Un projet dont tu avais parlé justement déjà l'autre fois. Ouais. Donc on va approfondir un peu ce thème-là au Rémouleur le 24. Alors je crois que c'est complet déjà, mais par contre le lendemain au CICP, il y a plus d'espace et puis on pourra parler d'autres sujets. Je pense que d'ici là, la décision sera tombée et on aura un peu des billes, des trucs un peu plus précis. À débattre, quoi. Donc on se voit la semaine prochaine au CICP, on invite tout le monde à venir et on continuera à parler donc de ce projet. Ben, merci beaucoup, et puis je crois qu'on a des copains là qui vont nous appeler tout à l'heure pour nous raconter ce qui se passe aussi à Nantes. On n'avait pas pu le mois dernier parler avec eux. Voilà, il se passe des choses assez intéressantes d'occupation de la fac par des étudiantes et des gens, des militantes en soutien aux migrants. Et il y a une centaine de migrants qui occupent un bâtiment de l'université et un château qui est au milieu du campus. Donc on attend qu'ils nous appellent et qu'ils nous racontent un peu tout ça. Elle m'a dit qu'elle vous appelait bientôt. Ça marche, merci beaucoup. À tout bientôt, la Lucha Sigue. Chaito. Et bonne continuation, on se voit très vite. Ça marche. Merci. Ciao. Musique. Il y a un aéroport. Il y a des gens qui, dans d'autres régions, qui se disent pourquoi ils veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a un déjà. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet qui date de 1967. Un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Comme ça, qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire les cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors, il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries. Plusieurs milliards. Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies. Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies. Qui concernent nos vies. Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potagers, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clowns, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens. Démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport. Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour. Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD. Thank you. C'est une question de choix de société. Jeunes et vieux, solidaires, irréparables. La jungle des luttes, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, en direct tous les troisièmes lundis du mois et retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30. Donc on a quelqu'un au téléphone qui devrait nous parler de ce qui se passe à Nantes, donc pas loin de Notre-Dame-des-Landes. Donc ce terrain de lutte qui nous concerne tous et pas seulement les zadistes, hein, on l'a tous compris j'espère. Donc on retient les dates de la semaine prochaine sur Paris, 25 au CICP et puis le 10 février à Notre-Dame. Et à Nantes, donc l'université, ça bouge, les étudiants, les migrants, vous essayez d'être là sur le terrain de lutte. Vous êtes là au téléphone? Ouais, bonjour. On n'a pas eu le temps de se parler, je préviens les auditeurs, on n'a pas eu le temps de se préparer. Je sais que voilà, le mois dernier, on n'avait pas eu le temps de se parler et finalement, nous revoilà. Effectivement, du coup, je suis là, je m'en improvisais complètement, mais en même temps, ça me fait plaisir de pouvoir parler de ce qui se passe à Nantes, qui est une ville et une région assez engagée, même d'un point de vue historique. Et c'est vrai que du coup, depuis le... En fait, ici, ça a commencé et ça fait écho d'ailleurs à d'autres choses qui se passent en France, puisque l'Université de Nantes n'est pas la seule concernée par le mouvement d'occupation. Il y a aussi Grenoble, Lyon, Lille, Poitiers qui ont occupé. Alors certains se sont fait déloger par les keufs, mais en tout cas, à Lyon, à Grenoble et à Nantes, ça tient toujours. D'ailleurs, j'ai une bêtise pour Lyon. Lyon a été expulsé par la présidence, du moins a reçu un ultimatum. Et en réaction, a ouvert deux squats pour loger les migrants. Nous, ici, à Nantes, ça a commencé le 18 novembre avec l'occupation de l'ancienne école des Beaux-Arts. Pour ceux qui ne connaissent pas les spécificités locales, c'est une immense école, superbe, qui est vide depuis plusieurs mois en plein centre-ville de Nantes, avec chauffage, douche et tout le confort pour loger des gens, contrairement à ce que nous présentent les pouvoirs publics locaux. Donc on a occupé cette école pendant moins de 24 heures, on a été délogé par pas moins de 150 CRS. Il y a eu plusieurs blessés et une interpellation. Et dans les jours qu'on suivit, le mercredi qui a suivi, en fait c'était un samedi, on a occupé 10 salles de cours à l'université. Et le dimanche qui a suivi à nouveau, on a occupé le petit château du Tertre. C'est une sorte de gros manoir qui a été construit par un armateur qui s'est enrichi grâce à la traite négrière. Donc c'est assez ironique de dire qu'aujourd'hui, dans le château du Tertre, on loge une quarantaine d'exilés. Et donc, du coup, c'est pas du tout sur le terrain de la fac? Si, ça fait partie de... La fac. D'accord, ok. Ouais. En fait, c'est un bâtiment qui servait aux chercheurs et là, qui normalement, les travaux devaient commencer en décembre. Il devait être rénové pour devenir un centre de colloques et de séminaires. D'accord. Donc, ça fait 2 mois qu'on occupe les locaux. Et du coup, par contre, évidemment, pas tout à fait le même confort, mais ça, vous réussissez à construire une vie au quotidien, là, du coup, depuis le 18 novembre. Effectivement, c'est pas du tout le même confort, parce qu'on a une douche entre les deux lieux qu'on occupe, on a une seule douche. On n'a pas beaucoup de toilettes, mais en fait, pour nous, l'essentiel, c'était... D'occuper, de toute façon, bien sûr. Et ensuite, l'université, c'était d'avoir déjà, mettre à l'abri, en fait... À la base, les mineurs isolés étrangers. Et puis ensuite, par la force des choses, ça s'est élargi à pas mal de personnes qui sont à la rue, principalement des exilés, mais pas que. Et donc, héberger les gens et surtout pouvoir permettre des espaces de rencontre. On avait vraiment cette volonté d'avoir des espaces où des gens qui vivent dans la même ville mais qui n'ont jamais l'occasion de se rencontrer puissent se découvrir. Et ça, pour le coup, c'est une réussite totale. On passe des moments merveilleux ensemble. Il y a des amitiés qui naissent. Des couples, plein de rencontres. Donc vous y êtes même resté durant la session de vacances. Oui, on a et eu donc justement, ouais. On a eu un rap pendant les vacances, donc on a pu fêter le Noël et le contre-nouvel an au château du Tertre. Ouais. C'était des super instants. Ça c'était rencontres. Les bonnes occasions. Et là, on a encore un délai de 15 jours supplémentaires. En fait, on ne sait pas trop quand ça va s'arrêter. Quoi. La présidence n'a pas un ultimatum, nous a pas fixé d'ultimatum pour partir, même si on sait qu'ils aimeraient bien nous voir ailleurs. Et chacun se renvoie la balle entre, évidemment, la préfecture, la mairie, le conseil départemental sur la responsabilité de cet État. Le fait qu'il y a des dizaines et des centaines de personnes qui sont à la rue dans une ville aussi riche que Nantes. Et donc, du coup, ça a touché une seule fac de Nantes ou vous avez été aussi touché par d'autres étudiants et puis des gens de la société civile de manière générale, avec des collectifs qui ne sont pas que étudiants au départ, du coup. Enfin, au départ, peut-être. Il y a quand même beaucoup d'étudiants dans le mouvement, mais pas que. Il y a vraiment toutes sortes de personnes. C'est une grande mosaïque. On a eu la chance, en fait, avec l'occupation de l'ancienne école des Beaux-Arts, qui est donc, comme j'ai dit, un lieu central. Il y a eu une répercussion médiatique énorme. Et les 24 heures ou un peu moins qu'on a tenu au Beaux-Arts, on a vu se succéder constamment plein de personnes qui venaient à la porte pour demander quoi apporter, qui venaient nous déposer de la nourriture, des matelas, un baby-foot, des canapés, de quoi rendre le quotidien plus agréable. Et ça s'est prolongé sur l'occupation de l'université. Et c'est vraiment... En fait, ça donne beaucoup d'espoir et de courage. On se rend compte que... Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment agir et qui ont juste besoin qu'on leur donne des opportunités, des occasions, qu'on mette à disposition des lieux dans lesquels ils peuvent s'engager. Ouais, c'est ça la question des espaces où on peut justement apprendre et se rencontrer, partager et effectivement se donner de la force et puis même réussir à construire du coup des espaces de résistance, bien que voilà, ce ne soit pas toujours gagné. Mais là du coup, c'est important de... Voilà, s'il y a d'autres universités qui elles ont été expulsées, l'important c'est aussi qu'il y en ait qui résistent. Et qu'on puisse quand même, dans ces espaces-là, construire et se rencontrer et se connaître avec cette question. Exactement. Et c'est en fait c'est ce qu'a pu permettre la ZAD et d'autres luttes, et ce que permet là l'occupation de l'université, c'est de construire. De pas juste dans la négation de ce que nous propose un système dans lequel on ne croit pas, mais vraiment dans l'action, dans la construction, ensemble, main dans la main. Et on tient régulièrement des réunions avec les habitants et les habitantes. Et au début, les exilés étaient un peu frileux à prendre la parole. Et puis petit à petit... La confiance s'installe. Ouais, la confiance s'installe. On échange des codes les uns les autres et puis on apprend à vivre ensemble. C'est vraiment des instants de vie merveilleux qui nous donnent une force incroyable. Et on sait en fait que même si demain on est expulsé, on recommencera ailleurs. Oui, et ce qui a été fait a été fait. Et donc, ça a forcément enrichi. Ce n'est pas un échec. On ne reste pas sûr. Ce n'est pas un échec en soi. En aucun cas. Ouais. En aucun cas. Et d'ailleurs, la plus grande erreur des pouvoirs publics locaux, c'est d'avoir mis finalement si peu de temps, en même temps, autant de temps à expulser les Beaux-Arts. Vraiment, le lieu est incroyable. Vous ne pouvez pas l'imaginer, mais c'est un lieu magnifique. Il y avait deux duplex dans lesquels on projetait d'héberger des familles. C'était des salles de cours où on aurait pu faire du bricolage, de la peinture. Il y avait un piano magnifique abandonné dans les couloirs. Et en fait, on a occupé l'école des Beaux-Arts à partir de 16h un samedi après-midi. On a été délogés le lendemain à 14h. Et pendant tout ce temps-là, on est des dizaines, peut-être même des centaines de personnes à avoir échangé comme si on se connaissait depuis toujours. Dans les couloirs, il y avait une énergie folle. Les gens échangeaient et les gens commençaient à croire en un autre possible. Ils se sont rendus compte qu'on pouvait sortir du sentiment d'impuissance et vraiment ensemble se connecter pour se réapproprier nos espaces de vie et en faire des espaces de lutte aussi. Merci beaucoup pour ce témoignage et surtout bonne continuation et plein de force et de belle énergie encore pour vous là-bas à Nantes. Et on espère que ça continue longtemps et qu'on vous rencontrera si on va le 10 février à Nantes, à Notre-Dame. Avec grand plaisir, on se rencontrera. Et puis ça va continuer tout ça, j'en doute pas. Même pas, c'est pas que à l'échelle de Nantes, comme je dis, que ça se passe. C'est vraiment... Bah oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, du coup, là, on aura l'occasion justement de se rencontrer en direct. Puisque ouais. Mais en tous les cas, merci beaucoup pour ton appel. Bonne continuation. Je sais que tu es en réunion, on a entendu du bruit autour parce que, bah oui, il faut se réunir, discuter, bosser pour que tout ça avance. Et bonne continuation, bonne chance. Merci à toi. Bonne soirée. Merci, au revoir. On va faire une petite pause musicale et puis je vous parlerai de la convocatoria du coup lancée par les apatistes qui appellent les femmes qui luttent le 8 mars 2018. Originarios del pueblo. Guardianes de nuestra historia, en la memoria guardamos, hombres rebeldes del pueblo, esperanzas del mañana. Somos quienes mañana que vendrá. Fuera neoliberal de la patria mexicana, vivir nuestra autonomía con justicia y libertad. Como pájaros alegres, aves de muchos colores, variados cantos y gritos, y con los vuelos muy altos, ahora pueblos originarios, guardamos esa memoria. Ahora los seres humanos, vuelva a ser el gran color. Patria mexicana, esperanzas del mañana, caminantes y el camino, originarios del pueblo de la patria mexicana. Cantos y gritos, y con los vuelos muy altos, ahora pueblos originarios, guardamos esa memoria. 3 FPP, la jungle des luttes. Donc on continue notre dernier petit quart d'heure avec donc la convocation de la première rencontre internationale politique, artistique, sportive et culturelle des femmes qui luttent. Proposition donc faite il y a très peu de temps, fin décembre, par le comité clandestin révolutionnaire indigène, commandant général de l'armée zapatiste de libération nationale, donc envoyé depuis Mexico le 29 décembre 2017. Je propose de vous la lire. J'ai que la version en espagnol, je vais vous la traduire au fur et à mesure, donc j'aurai peut-être des moments de doute. Aux femmes du Mexique et du monde, aux femmes originaires de Mexico et du monde, aux femmes du Conseil indigène de gouvernement, aux femmes du Congrès national indigène, aux femmes de la Sexta nationale et internationale. Compañeras, sœurs, compagnonnes, sœurs, nous vous saluons avec respect et tendresse comme femmes, en tant que femmes que nous sommes, femmes qui luttons, résistons et nous rebellons contre le système capitaliste, machiste et patriarcal. Nous savons que le mauvais gouvernement, le mauvais système, non seulement nous exploite, nous réprime, nous vole et nous déprécie en tant qu'êtres humains, mais aussi à nouveau nous exploite, nous réprime, nous vole, nous déprécie en tant que femmes que nous sommes. Maintenant, nous le savons, et ça a été bien pire. Ah, et aujourd'hui, nous le savons parce que c'est pire, parce que maintenant, dans le monde entier, ils nous assassinent. Et les assassins sont toujours ceux du système avec leur visage de macho. Et ça les importe peu qu'ils nous tuent, puisque les policiers, les juges, les moyens, les médias, les mauvais gouvernements, tous ceux qui sont en haut, sont ceux qui sont à la cause de nos douleurs. Ils sont couverts et sont même promus. Mais alors, nous n'avons pas peur. Ou plutôt, si nous avons peur, mais nous contrôlons nos peurs et nous ne nous rendrons pas et nous ne nous vendrons pas. Alors, si tu es une femme qui lutte, si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de nous faire en tant que femme, si tu n'as pas peur, ou plutôt si tu as peur mais que tu les contrôles, eh bien, nous t'invitons à nous rencontrer, à venir nous parler, à nous écouter en tant que femmes que nous sommes. Et donc, on invite à toutes les femmes rebelles du monde a célébré au Caracol de Morelia, dans la zone Cholchor du Chiapas au Mexique, les 8, 9 et 10 mars de l'année qui vient, là, 2018. L'arrivée se fera le 7 et le départ se fera le 11 mars. Si tu es un homme, alors si tu es en train d'écouter, de lire, eh bien, tu n'es pas invité. Donc, bon, les hommes zapatistes, eux, on va faire en sorte qu'ils fassent le nécessaire pour que l'on puisse jouer, parler, chanter, danser, dire des poésies et ou toute forme d'art, de lutte que nous pourrions partager sans difficulté. Et donc, eux se chargeront de la cuisine et de nettoyer et de tout ce dont on aura besoin. Alors, il sera possible de participer individuellement ou en collectif. Et donc, il y a une adresse pour s'enregistrer, un courrier électronique. Encuentro Mujeres que Luchan. Donc, Encuentro Mujeres que Luchan. @ezdln.org.mx. Donc, évidemment, c'est en espagnol, mais donc c'est tout attaché, sans majuscule, Encuentro Mujeres que Luchan. Encuentro Mujeres que Luchan. Donc, @ezdln.org.mx. Donc, on continue, parce que bon, ça c'est joli la lettre. Et donc, bah, tu mets ton nom, tu mets qui tu es, si tu es un individu ou un collectif, comment tu vas participer, si tu vas venir faire la fête avec nous. Bien, peu importe ton âge, ta couleur, ta taille, tes croyances, ta race, ton mode, ça nous importe juste que tu es une femme et que tu luttes comme tu luttes contre le capitalisme patriarcal et machiste. Et donc, si tu veux venir avec tes enfants, avec tes garçons, et bon, ils sont encore tout petits, alors tu pourras les amener. Ça peut servir qu'ils commencent à entendre un petit peu et que ça rentre dans sa tête ce que nous sommes, nous, en tant que femmes. Et donc, on n'est pas disposé à continuer à supporter cette violence, ces humiliations, ces moqueries et toute cette violence de la part des hommes, ni du système. Alors, donc, si tu veux venir accompagné d'un homme âgé de plus de 16 ans, eh bien, bon, bah là, faut voir, hein, parce qu'a priori, il ne dépassera pas la cuisine. Et donc, il aura peut-être moyen d'entendre quand même quelque chose et d'écouter et quelque chose à apprendre. Enfin, bon. Donc, voilà, on n'admet pas les hommes, mais de toute façon, ils ne viendront pas s'ils ne sont pas accompagnés d'une femme. Et donc, voilà. Compañeras, hermana, compagnonne, sœur, on t'attend depuis les montagnes du sud-est mexicain. Et donc, ce sont les commandantes Jessica, Esmeralda, Lucia, Zenaida et la Niña Defensa Zapatista qui donc signent ce texte du 29 décembre et donc appellent toutes les femmes à venir donc au Caracol de Morelia. Donc, même si on n'est pas organisé, comme c'est écrit, hein, on peut, en tant qu'individu, avoir envie de vivre cette rencontre avec les femmes zapatistes, mais pas seulement, puisque justement, toutes les femmes sont invitées, les femmes du monde. Et donc, je pense que ça peut être une très, très belle rencontre. Et donc, c'est la première en tant que telle, puisqu'il y a eu une rencontre des femmes qui avait eu lieu en 2008, mais ce n'était pas du tout le même format. Et donc là, je pense que ça peut être une bonne grosse fiesta et l'occasion de rencontrer plein de femmes et d'apprendre, comme on le disait tout à l'heure avec Geronimo. Voilà, c'est des espaces où on peut vraiment partager, comme on le disait aussi avec les copains de Notre-Dame ou de Nantes. Eh bien oui, voilà, l'important, c'est de créer des espaces où on se rencontre et où on échange. Et tout ça, ça peut créer justement de nouvelles expériences et de nouveaux espaces, et petit à petit, on peut tisser la toile, et c'est ce qui est important, c'est ce qu'on espère aussi pouvoir faire avec ce programme, en essayant de passer d'une lutte à une autre, voir que tout ça, ça nous est très accessible, en fait, puisque c'est nous qui sommes au cœur de toutes ces initiatives, donc nous, les gens en bas, à gauche, tout simplement, avec tous nos savoirs ancestrales ou pas, nouveaux à inventer, scientifique ou pas. Et en tous les cas, on avance. En tous les, et ben voilà. Donc toutes les filles là, rendez-vous le 7 mars, journée d'ouverture et d'accueil. Au Caracol de Morelia, Chiapas, Mexique. Si vous avez donc besoin peut-être d'un peu plus d'informations, il y a le site du CSPCL, cspcl.ouvaton.org. Vous pouvez trouver des informations, parfois des textes pas encore traduits, donc ils ne sont pas forcément accessibles. Par contre, sur la page de Enlace Zapatista, E-N-L-A-C-E, et Zapatista, Z-A-P-A-T-I-S-T-A, là, sur ce site, là, vous avez toutes les déclarations. Donc, si vous lisez l'espagnol, ce sera facile pour vous de trouver l'info. Vous pouvez également, évidemment, rencontrer l'Assemblée du CSPCL, du Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc, tous les premiers, troisième et cinquième mercredis du mois à 20h30 dans les locaux de la CNT, au 33 rue des Vignoles, donc, puisque la CNT nous héberge depuis le début, depuis 1996, dans ses locaux pour notre assemblée. Donc n'hésitez pas à venir à 20h30, 1er, 3e et 5e mercredi du mois. C'est une assemblée ouverte, donc on sera content de vous rencontrer si vous avez des questions, des expériences à partager. Et bien, merci de nous écouter. On va passer un petit morceau et ensuite notre petit générique et on vous donne rendez-vous le mois prochain, le troisième lundi, comme d'habitude, pour une émission donc en direct. On a un blog, La Jungle des Luttes, avec toutes nos émissions de radio, avec des petits trous peut-être un peu pour le moment, mais petit à petit, on met des émissions. Donc, merci de nous écouter et merci pour la technique. Et voilà, continuez d'écouter FPP. Merci à vous. La radio est en lutte également. L'air, Radio Libre sont en lutte. Merci Macron. Mais tous les autres d'avant aussi. Donc voilà, la Lucha Sigue, merci. 106.3 FPP, la jungle des luttes, salut. Aplamientos. Radio.